Chapitre 3e. Les domestiques avaient pris très vite leur parti de la disparition de leur bonne maîtresse. La vie est douce, en effet, lorsqu'on sert un homme qui ignore le prix des denrées et la quantité de beurre nécessaire à la confection d'un coulis. Mais le capitaine Lempereur et le docteur Milvaux n'étaient pas contents, eux, ni même résignés. Nous avons retardé le plus longtemps possible un aveu que nous devions au lecteur. Nous avons même songé à lui cacher complètement la vérité, car les faiblesses humaines ont droit à l'oubli, étant descendues avec le corps dans le mystère des tombes. Mais la moindre indiscrétion pouvait rendre vains nos scrupules, et nous jugeons plus décent de lui apprendre, avec les ménagements voulus qu'Élisabeth, au moment de son décès, n'avait plus rien à refuser ou à accorder, si l'on aime mieux ce terme, depuis environ 15 années, au docteur et au capitaine. Ce n'était pas qu'elle fût portée au libertinage par un esprit vicieux ou un tempérament excessif, non. Elle savait son intérieur agréable, elle avait plaisir à y recevoir de son mieux ses amis intimes. Elle souhaitait qu'ils fussent heureux chez elle et par elle, et le docteur, qui à l'exemple de ses pareils, appréciait en matérialiste les caractères, faisant allusion à certaines rondeurs appétissantes, assurait qu'elle avait les bosses de l'hospitalité. Elle s'était donnée avec gentillesse et simplicité, à la première sollicitation, comme dans son jardin, sur le moindre signe d'envie, on offre une fleur ou un fruit à l'hôte préféré. Elle préfère le docteur et le capitaine, voilà tout, et elle s'était laissée cueillir. Cet aimable abandon s'étendait jusqu'à son mari, lequel, hâtons-nous de le dire, n'en abusait pas. Dans la plupart des cas, ce qui fait la gravité des choses, c'est l'idée qu'on y attache, et la preuve qu'Élisabeth et ses deux invités n'apportaient aucune perversité dans leurs épanchements, c'est que le docteur était au courant du bonheur du capitaine et que le capitaine n'ignorait rien de la félicité du docteur. Cette communauté dans une possession que les égoïstes, d'habitude, prétendent garder pour eux seuls. Cette entente franche et sincère sur un terrain dont les accidents mêmes devenaient des points de contact les avait rapprochés et unis malgré l'opposition de leurs idées politiques et religieuses. L'empereur s'affirmait clérical et réactionnaire, Milvaux, libre penseur et démocrate. Élisabeth était le tampon parfumé et douillet, où venaient s'amortir et se fondre leurs divergences. Ils offraient une forme nouvelle et intéressante du ménage à trois, le mari ne figurant au tableau, comme sur les livres de chasse, que dans la colonne des divers. Le jeudi et le dimanche, de fondation, le capitaine et le docteur dînaient chez M. et Mme Pépin. Après le dîner, tandis que M. Pépin lisait le temps, le guerrier et l'homme de science se livraient sur l'échiquier une bataille acharnée et courtoise, dont l'enjeu généralement était une petite visite d'Élisabeth en dehors des jours consacrés. Comme ils étaient de même force, les gains se compensaient. Elle suivait la partie par politesse et usage du monde, impartial, s'étant donné pour règle de ne favoriser aucun des deux, et attendant du mat, le choix de l'heureux mortel à qui elle porterait, en rabiot, disait le capitaine, l'été de sa chair encore ferme et savoureuse. Si l'un ou l'autre des joueurs était empêché par une circonstance quelconque de profiter de sa chance, ils opéraient un virement à l'amiable. Ils se faisaient des politesses, évidemment sur le dos ou plutôt sur le front de leur ami Pépin, mais cela n'avait aucune importance, celui-ci ne se doutant de rien. Même au début, alors qu'il s'agissait d'établir leurs petits arrangements, il avait paru un peu gênant que ce brave Pépin ne fût pas au courant des choses, car il lui arrivait de contrecarrer innocemment des projets agréables. Mais ce n'est pas aux amants de prévenir le mari, ni même à la femme, et il s'était incliné devant l'éternelle routine. D'ailleurs, peu à peu, la bonne grâce d'Élisabeth avait su aplanir toutes les difficultés. Le vendredi, elle allait voir la collection d'armes du capitaine, lequel, en sa qualité d'ancien officier d'habillement, et n'ayant jamais quitté la tranquille province, aimait et recherchait passionnément tous les engins de destruction et de massacre qu'inventèrent à travers les âges les hommes de tous les pays. Il s'étendait avec complaisance sur leurs effets meurtriers, après quoi il démontrait à son ami que la vie a aussi ses bons côtés et qu'il y a un temps pour tout. Le mardi, c'était la fête de la science. Milvaux n'avait jamais exercé, un modeste héritage étant venu combler ses ambitions alors qu'il avait 25 ans. C'est un des cas peu connus où l'argent peut sauver les malades. Mais il avait étudié. Il feuilletait et commentait avec elle des livres de médecine illustrés de planches en couleur qui dévoilaient tous les secrets pittoresques de l'anatomie humaine. Elisabeth connaissait ensuite toute la distance qui, dans certaines opérations, sépare la théorie de la pratique. Les autres jours, sauf les petits suppléments résultant des parties d'échecs, appartenaient au mari. Elisabeth, excellente femme de ménage, lui tissait une vie, sinon d'or et de soie, du moins de bonne chair et de procédés délicats. On comprend maintenant quelle perturbation jeta dans ses existences la disparition brusque de celle qui en était le lien et le charme. Un coup de foudre avait brisé la clé de voûte du temple, et le temple s'était écroulé. M. Pépin, porté à l'égoïsme, il faut l'avouer, par les soins dont il était l'objet, et désireux de ne s'occuper que de lui-même, avait carrément supprimé les dîners du jeudi et du dimanche. Le docteur et le capitaine Sabré, dans leurs habitudes les plus chères, privés à la fois de la manne de l'estomac, des délices du cœur et des leçons de choses si attrayantes quand l'élève y met du sien, furent pris d'un marasme profond qui dégénéra bientôt en révolte. Il était urgent de prendre parti. Comme il ne se voyait plus dans l'hospitalière maison, le capitaine fit un effort. Il invita le docteur à déjeuner. Au cigare, ils se réunirent en conseil de guerre, et l'empereur exposa les faits avec l'émotion et aussi la fermeté que commandaient les circonstances.